La réunion commémorative des matelots du navire Taiyuan battant pavillon panamien et du navire Chang'an 1 de Taipei de Chine a eu lieu le 16 février au port de Ningpo à l'occasion de la journée de la brillante étoile. Les orateurs ont dit que le général Kim Jong-il, éminent penseur et théoricien, vétéran politique sans égal et grand promoteur de Sungun, a transformé la République populaire démocratique de Corée en puissance nucléaire et spatiale de l'Orient qu'aucun ennemi n'ose toucher et conduit à la victoire l'œuvre d'émancipation du monde. La réunion a adopté une lettre adressée au dirigeant suprême Kim Jong-un.